Patrick Tremblay de Holtec. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Holtec pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Holtec. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. On va faire la rétrospective de la saison des Alouettes, même s'il n'y a pas eu de saison, avec notre ami et collaborateur Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, évidemment, il n'y a pas eu de saison chez les Alouettes de Montréal. Et ce qu'il faut noter, moi, c'est le mauvais travail de Randy Ambrosie. C'est incroyable le mauvais travail qu'il a fait. Là. Dans cette saison-là, il me semble que les joueurs ont été laissés dans le vide. J'ai fait une entrevue avec David Ménard l'autre jour. Avec Antoine Pruneau également. Les joueurs ne savaient pas ce qui s'en allait. Puis il y avait des payes là, également. Il fallait qu'ils vivent. Là. Moi, c'est ce que je retiens également. C'est le mauvais travail de Randy Ambrosie. Puis il semble qu'il va rester en poste. Oui, mais parce que dans ces cas-là, je ne sais même pas s'il y a, il y a quelqu'un qui voudrait succéder à ce poste-là. J'ai l'impression que ça ne cogne pas à la porte tant que ça là, pour remplacer. Cette personne-là. Mais effectivement, tu as raison, Danny, fidèle à lui-même, là, la communication, ça n'a pas été son fort. On l'a vu dans plusieurs dossiers, dont on peut prendre tout simplement le dossier des Alouettes de Montréal et le propriétaire. Donc, tu sais, ça a été tout simplement une continuité. Il a laissé une gang de pères de famille, d'athlètes, de professionnels. Il y en a du monde qui peuvent avoir des emplois là-dedans qui avait peut-être des opportunités. Ouais. Donc, effectivement, ça a été, pour utiliser le terme catastrophique pour ces personnes-là, ces familles-là, et même, je veux dire, on peut aller jusqu'aux aux partisans puis aux personnes impliquées de près ou de loin là, dans la Ligue canadienne. Donc, penses-tu que la Ligue canadienne, on dit qu'on a perdu plusieurs dizaines de millions de dollars, la Ligue canadienne va avoir de la misère à s'en remettre de ça? Je pense que l'avenir va nous dire, c'est plate comme réponse. Je pense qu'on va être peut-être en mesure, si la pandémie nous le permet, de voir une prochaine saison à court terme peut-être, mais est-ce que ça va perdurer? Est-ce que l'espèce d'écart financier, le trou qui va s'être creusé, va être capable d'être rempli tranquillement ou on va juste continuer à perdre de l'argent? Donc ça, c'est difficile parce que... C'est les chiffres d'affaires de chacune équipe qui pourraient nous le dire, mais ça va pas rendre la situation facile en tout cas. Non, effectivement. Pascal, aussi, ce qu'il faut mentionner également, c'est pour le football, l'avenir du football, ça va être quoi? Ça va ressembler à quoi? Je veux dire, tu sais, je faisais des entrevues avec les Cougars et les Gaillards qui sont en recrutement au niveau collégial. Du côté des Cougars, on est plus ou moins confiant. On dit que c'est quasiment juste des Français qui vont venir. Du côté des Gaillards, on est plus confiant. C'est normal, on a gagné deux bols d'or. On a participé à la tradition d'excellence. Mais quand même, ça va faire mal au football qui avait déjà de la misère avant le COVID. Ben, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les répercussions là en ce moment. C'est difficile de dire en ce moment par le nombre de joueurs, etc., si ça va faire mal, parce que en ce moment, au niveau du recrutement, que ce soit dans les divisions 1, 2 ou 3 collégiales, on voit quand même il y a de l'action qui se passe. Par contre, c'est tous les joueurs qui n'ont pas joué, là, en fait, 100% des étudiants athlètes, qu'est-ce qui va se passer quand ça va recommencer? Quel va être le pourcentage de ces jeunes-là qui vont recommencer. Parce qu'en ce moment, c'est facile dans son salon d'être un ancien, d'être un joueur, hein, okay, d'être un petit athlète, d'être chez eux qui a joué l'autre saison d'avant, puis de se dire, oh, ben, quand ça recommencera, je vais jouer moi. Mais quand ça va recommencer pour vrai, là, tous les efforts, toute la structure, l'encadrement que ce sport-là demande, est-ce qu'il n'y aura pas une perte, là? Tu sais, les jeunes qui auront peut-être lâché l'école, ou qui, tu sais, tout ça. Moi, j'ai hâte de voir cette répercussion-là. C'est le côté qui m'inquiète, moi, de vraiment avoir le chiffre de ces étudiants-là qui vont recommencer. Tu sais, parce qu'en ce moment, on imagine, admettons, en tant qu'entraîneur-chef d'une équipe collégiale ou d'un responsable, de se dire, ben j'avais tant de joueurs l'an passé, puis ils peuvent, je ne sais pas, moi, dire exemple, j'en ai 35 qui peuvent revenir pour la prochaine saison, et là, j'en recrute 25. Mais dans les 35 qui sont supposés de revenir, là, est-ce qu'on va avoir un taux de rétention de 100% ou il va y avoir un nombre de joueurs qui ne reviendront pas dû à la COVID, dû au manque de motivation, dû à X, Y raison. Puis dans tes 25 joueurs que tu as recrutés de niveau secondaire, ça va être quoi la rétention pour ça? Donc, c'est là, moi, que j'ai un questionnement. Ah, c'est tout ça qu'il y aura un gros travail à faire pour relancer le sport du football. Pascal, merci beaucoup quand même. Passe de joyeuses fêtes et une bonne année. Et on va s'en reparler en 2021. Mais j'espère bien, puis je vous souhaite un joyeux temps des fêtes de votre côté à tout le monde aussi. Notre ami Pascal Masson qui nous parlait des Alouettes de Montréal.